Il fume ici pour oublier. Il fait partie des oubliés. À l'entendre, toujours outillé. H24, 3 rue des Courtillers. Genre, il ramène des kilos. Pour ça, il fait des kilomètres. On sait tous ici qu'à la maison, c'est toi qui laves ses culottes, mec. On sait qui m'y donne. Mais on fait genre, t'as vu. Quand les hommes brouillent. Lui, on l'a jamais vu. À l'entendre. Lui, c'est un ding ding. Pour rien, il fait bang bang. Mais voilà, tu fais wello. On t'attrape à la sortie de ton procès, balance. C'est comme ça qu'on procède, nous. On t'attrape à la sortie de ton procès, balance. C'est comme ça qu'on procède, nous. En attendant ton décès, nous. En attendant ton décès, bah nous. Ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Il est suspect comme toutes les motos de nos villes. Qui braque un visage découvert sans photo de profil. Qu'il a pas mal quand il met des look kicks dans le poteau. Qu'il est riche sans l'auto chargé dans l'automobile. Il dit que ça le saoule Miami. Qu'il est blindé tout seul sans équipe ni ami. Que quand il est fâché il crache des balles agitées. Qu'il reste à la cité parce qu'il nous kiffe la famille. La paire est trouée, jamais écrouée. Le poids du mensonge qui t'a tordu la colonne est donné. Le salaire est joué, la gove est louée. Le regard Dubaï dans tes poches c'est la Pologne, nous connaît. Il a plein de boîtes, il a trop de valises. Ma gueule il t'arrange, il paraît qu'il a trop de plots. Il a trop de squats, il contrôle Paris. Sur les côtes au CRB, au Chris et au Clo. Il dit que c'est lui qui liquide le kilo client. Il dit que c'est lui qui liquide le kilo client. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Pareil tu voles, pareil tu deals. Pareil tu tôles, pareil tu kills. Pareil tu voles, pareil tu deals. Pareil tu tôles, pareil tu kills. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Il dit que c'est lui qui liquide le kilo client. Il dit que c'est lui qui liquide le kilo client. Il dit que c'est lui qui liquide le kilo client. Il dit que c'est lui qui liquide le kilo client. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais.